ciel passé puis se fane. Je t'ai rêvé partout, mais toi tu me condamnes. Quand l'amour s'est-il envolé, j'aimerais comprendre un jour. Il prenait tant de place, il nous prenait de coups. Alors je t'en prie, entends-moi si je crie SOS. L'amour que t'as mis en moi sauvera ma vie, SOS. Si tu gommes, si t'effaces toutes nos traces, j'abandonne. Même si tu es tout près, tu me sembles hors d'atteinte. T'as fait briller en moi une flamme qui s'est éteinte. J'ai pourtant fait la part des choses, j'aimerais comprendre un jour. Où est passé l'amour qui nous prenait de court? Si tu passes, je suis personne. Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était Sophie qui se mariait? Parce que ça ne te regarde pas. Et ce garçon, ce Sky, il est assez bien pour elle? Ça non plus, ça ne te regarde pas. Alors je t'en prie, entends-moi si je crie SOS. L'amour que t'as mis en moi sauvera ma vie, SOS. Si tu gommes, si tu casses, si tu passes.